venu te voir comme si j'allais en prison, comme s'il t'avait jeté là en attendant ton exécution. Mais si ça chlingue l'alcool, l'éther et la compassion, et les juges ont des bouses et des sourires qui feraient peur à du bourbon, ils t'ont jeté là en attendant ton exécution. Ils savaient que tu n'avais rien fait, que t'étais entré les mains propres et que tu sortirais les mains. Tes mains qui étaient pleines de nos joues, de nos peaux, de nos baisers, de nos âmes. Ils t'ont jeté là en attendant ton exécution. Je me souviens de cet amas de soupirs soufflé aux abords de la fenêtre de ta chambre. Cet amas de soupirs cogné contre la vitre chaude de l'été. Cet été étranger qui dansait là dehors sans toi, sans même te reconnaître. Cet été qui affolait les insectes au cœur ensoleillé des fleurs. Ils t'ont jeté là en attendant ton exécution. Je te sentais peu occupé comme tu ne l'avais jamais été. Je me demandais si tu savais malgré les portes ouvertes que t'étais dans le couloir. Condamné sans procès dans l'attente d'un miracle. Condamné sans procès, sans bourreau, sans justice. Condamné un peu hébété en te demandant pourquoi, pourquoi moi. C'est vrai, pourquoi toi. Exemplaire et vivante, si aimante et promise au bonheur. Promesse jamais tenue malgré l'évidence. Toi si méritante à la logorée charmeuse, étrangleuse du moins de silence. Toi si souriante, si chantante et pas seulement aux heures chaudes. Toi jetée là en attendant ton exécution. Pourquoi toi? Il n'y en a pas dans les tremblements de terre et les tsunamis. Dans les fleuves qui débordent leur lit, il n'y a pas de justice dans les avalanches, les accidents, les incendies, les meurtres d'amour. Il n'y a pas de personne juste quand je vois tes yeux qui coulent et que je vois tes yeux qui coulent et que personne ne peut rien y faire. Personne n'est juste, mais tout le monde se trouve des raisons. Des raisons qui font que t'en es là avec tes yeux qui coulent et pas. Peut-être que tu te couches trop tard le soir, que tu parles trop, que tu râles trop. Que tu es trop nerveuse, que tu râles trop, que tu te plains pas assez. Toi, mais pas eux. Si parfait, si sain, si heureux de savoir encore plus aujourd'hui. Toi, tu attends ton exécution. Chaque instant un signe dans le regard des infirmières. Le ton de leur voix, le nom des produits qu'elles vident dans tes la veines. La façon qu'elles ont de soupirer, de discuter, d'être évasives quand elles répondent à ta question. Et tu guettes et tu attends la mort. Tu entends son souffle, des fois tu la vois apparaître quelques secondes au pied de ton lit. Elle veut t'apprivoiser, être ton amie. Elle s'invite malgré toi et tu la sens t'envahir comme le virus qui est. Je te regarde les yeux fatigués de couler, guettant à demi-mot celle qui sera bientôt. Je te regarde en espérant malgré l'évidence qu'on puisse évader de cette prison.